Avec Histoire Vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire Vivante. Au nom de Dieu le Miséricordieux. Cette semaine, journalistes, étudiants, diplomates et les autres. J'avais peur, il y avait une vraie bataille. Zoom sur un certain Orient. On voyait sans arrêt des garçons arriver en portant des blessés. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Tous les jours, il y a des menaces disant qu'ils vont venir prendre Manbij. Inch'Allah, si Dieu le veut, nous ferons en sorte que cette opération atteigne son but en prenant le contrôle de Tal Rifat d'ici peu. L'échelle n'est pas présente dans l'aqida. L'échelle peut être présente dans l'esprit. L'esprit est sacré. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Je suis un animal transformiste, si je puis dire, comme tout être humain. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs vies. Je suis d'abord venue d'un pays qui s'appelle le Liban, où j'étudiais au lycée français de Beyrouth et où j'ai poursuivi à Beyrouth des études littéraires avant de les continuer ici en France. Et quand j'ai eu ma maîtrise de lettres modernes, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie d'enseigner ou est-ce que j'ai envie de faire un métier où il y a davantage d'action? Et c'est là où je me suis tournée vers l'interprétation de conférences et je suis devenue interprète professionnelle deuxième vie. Et j'ai été d'abord freelance, ensuite j'ai été sollicitée par le ministère des Affaires étrangères pour être à leur disposition tout le temps, parce que quand on est freelance, on n'est pas toujours à Paris, on suit les agences des Nations Unies notamment qui sont un peu partout dans le monde. Et j'ai dit oui parce que j'en avais assez de voyager et là c'était toujours la même région. Donc j'ai fait plusieurs années de suite, d'abord en tant que freelance auprès des autorités françaises et ensuite en tant que interprète officielle pour la langue arabe à partir de 89 et jusqu'en 2002. Et alors à force de fréquenter des diplomates, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il y a donc de l'autre côté de la barrière? Et je me suis dit peut-être que un sens de la fabrication de l'histoire beaucoup plus important que le simple témoin qu'est l'interprète. Certes, il est une courroie de transmission, mais il est un peu aux marges de l'histoire. Et j'avais cette idée qu'en étant diplomate, on faisait l'histoire. Et les diplomates avaient beau me dire « mais non, ne vous faites pas d'illusions ». J'ai voulu passer le concours, je suis devenue diplomate et effectivement j'ai été entre autres en poste à l'étranger à Dubaï puis au Koweït dans la péninsule arabique. Et puis en revenant à Paris, comme il y avait un fil rouge dans mon existence qui est le contact avec le monde arabe et la langue arabe, puisque j'avais été interprète, j'ai voulu garder ce contact. Et n'ayant pas trouvé un poste qui soit tout à fait à cette aune-là, j'ai demandé une retraite anticipée et je voulais écrire davantage, me livrer à l'écriture, passer du monde oral, de l'interprétation et aussi de la diplomatie à l'écriture parce que ça m'a toujours un peu travaillé. Et puis, voyant sur Internet un poste annoncé à l'Institut du Monde Arabe, je n'ai pas pu résister. C'était le poste de directrice ou directeur du Centre de Langue et de Civilisation Arabe. Donc voilà, j'en ai pris pour 4 ans. Là, j'envisage encore de faire autre chose. Et je suis, comme vous le savez, à la revue Orient 21, qui est une revue en ligne, qui est formée de plusieurs membres, journalistes, anciens diplomates, chercheurs, et ils ont tous en commun la passion de ce monde arabe et au-delà aussi de l'Orient qui touche à ce monde arabe. Et dans ses rapports avec, bien sûr, l'Europe et l'Occident de manière générale. Et j'écris un peu pour Orient 21, je suis membre du comité de rédaction. Voilà, ça fait plusieurs petits bouts de vie, si vous voulez. Ça ne fait pas une présentation peut-être très cohérente, mais la cohérence, pour moi, elle est dans ce fil rouge à la fois de la langue arabe et de la langue française aussi, parce que pour moi, c'est un dialogue perpétuel entre les deux. Et un dialogue entre l'Orient et l'Occident, je m'y retrouve pleinement. Nadia Yafi, Comment aborder cette question-là, sur cette question des langues, sur cette question de la langue arabe, à laquelle d'ailleurs vous consacrez plusieurs articles que vous avez eu la gentillesse de nous faire parvenir, pour les non-éclairés dont je suis, et je sais que j'appartiens à un club nombreux numériquement. Si je devais venir à votre cours, à une première leçon, comment vous commenceriez le cours ? Alors, il y a l'histoire de la langue et puis il y a la langue elle-même. La langue elle-même, quand on l'aborde, c'est comme toutes les grandes langues vivantes. Il faut l'aborder avec le plaisir d'apprendre. Et ça devrait aller, alors. Ça devrait aller. Et comme toute autre langue, elle est digne de curiosité, elle est digne de plaisir, de passion, parce qu'elle elle est à la fois un instrument de communication, l'expression d'une culture, d'une très grande prestigieuse culture, et un moyen d'aller vers l'autre. Donc, ce que je dirais, c'est abandonner à la porte tout ce que vous croyez savoir sur la langue arabe, à savoir qu'il faut l'identifier avec une religion, alors que elle a préexisté à l'islam. Elle a été magnifiée, bien sûr, dans la poésie classique et de la civilisation arabo-islamique, et aussi dans le Coran, et qui lui a donné une sorte de caractère poétique un peu inimitable, qu'on appelle le Ijaz. Mais en même temps, elle a été la langue des communautés chrétiennes d'Orient, elle a été la langue des communautés juives d'Orient, donc elle n'est pas langue d'une seule communauté. Et comme toutes les langues, elle dépasse les frontières des régions et des religions et elle appartient à ceux qui l'aiment. Pensez-vous, quand vous pensez de la même manière en français et en arabe ? Alors, c'est une vraie question. Je vous remercie. Mais ce n'est pas la première fois que je la pose, parce que c'est toujours quelque chose qui m'intrigue. Alors, c'est amusant parce que quand j'étais interprète, les délégations arabes, pour me faire des éloges, disaient une chose sur ma manière d'interpréter, qui était d'un ordre totalement différent de ce que pouvaient me dire les éloges des délégations françaises. Les Français me disaient « Ah, on apprécie beaucoup votre clarté, votre précision. » Et les autres me disaient « Ah, on apprécie beaucoup l'élégance de votre expression. » Là, un peu les fleurs de rhétorique ou le maniement esthétique presque de la langue, un peu émotif. Et je me suis dit que peut-être il y avait dans cette manière de voir la langue quelque chose qui appartenait au génie propre de chaque langue. La langue française, c'est vraiment la langue de la clarté, de la précision, de la rationalité critique et de l'explication, de l'explicitation. Et c'est pour cela que, par exemple, dans la résolution des Nations Unies, les résolutions françaises sont plus explicites que la formulation anglaise. On connaît la fameuse formule « territories, occupied territories » ou « les territoires occupés ». Donc, la langue française, elle vous pousse à cette exigence de rigueur. Et dans la langue arabe, il y a bien sûr cette exigence de rigueur, mais d'une manière peut-être différente. Il y a cette capacité à densifier le discours dans une rhétorique très concise, contrairement à ce qu'on croit. Parfois, il y a des orateurs bavards, mais ce n'est pas le propre de la langue. Elle est capable de dire beaucoup de choses en très peu de mots. Et là, il y a une sorte d'art de la concision, alors que pour le français, c'est plus l'explicitation. Enfin, c'est peut-être un peu rapide. On peut dire aussi que quand on est né dans une langue, cette langue-là est la langue de l'émotion et que l'autre est la langue de la raison. Je me refuserais à cette catégorisation un peu primaire, parce que pour moi, j'ai adhéré à la langue française et à l'esprit de la République française d'une manière passionnée. Donc je ne peux pas dire que c'est seulement la culture arabe qui signifie l'émotion pour moi. Quand je suis venue en France, le sens de l'État, le sens de l'intérêt général, bien sûr il y a des exceptions, mais le sens du droit était tellement évident que je me suis toujours, tout de suite, sentie chez moi. Alors que au Liban, malgré toutes les qualités nombreuses de ce pays, plus auquel je reste très attachée, il reste beaucoup plus flexible. Donc, on a l'impression que parfois, c'est le passe-droit qui est la règle et le droit qui est l'exception. Or, en France, il y a quand même cette exigence qui est formidable et je m'identifie totalement à cette exigence. Oui, mais détrompez-moi. Si l'un des deux n'était pas là, il vous manquerait probablement. Ah, c'est le cocktail qui fonctionne bien. Ah, totalement. L'addition. Ah, totalement. Ah, totalement. Je ne suis à l'aise que dans les milieux où il y a un dialogue, un échange. Et c'est pour cela que c'est dans l'essence de la revue en ligne Orient 21 que j'ai embrassé en quelque sorte il y a depuis 2 ans. C'est vraiment aller vers l'autre, toujours. Vous dites embrasser Nada Yaffi, j'ose dire que vous avez des baisers fort différents, parce que quand on vous lit, on passe volontiers d'un style à l'autre. Mm-hmm. On peut avoir l'entretien dans ce qu'il a de plus journalistique, c'est ce qu'il y a notamment ce que vous menez auprès de Jean-Pierre Chevènement. Vous faites également de la critique artistique, et puis parfois aussi vous vous lancez, je vous l'ai dit avant qu'on ouvre ce micro, vers une sorte de récit à la lisière du conte. J'avais un peu l'impression d'être dans une atmosphère de la conférence des oiseaux, justement parce qu'il est question d'oiseaux. Vous nous en direz quelques mots, mais avant qu'on vienne à l'oiseau en question, c'est quoi cette variété de style? C'est que vous aimez papillonner, bricoler un peu à droite à gauche? Non, mais c'est parce que j'ai des intérêts divers et multiples. Je suis passionnée par la politique, parce que je pense que tout est finalement politique au sens d'un choix, d'une posture dans la vie qui concerne les autres, qui concerne la société dans son ensemble. Donc on est acteur, on est citoyen, on est touché par les autres. Et je suis sensible à la poésie, ayant une formation littéraire, je suis sensible à l'art, à la musique. Donc je ne veux pas écarter un sujet, et comme je suis amateur encore en matière d'écriture, je touche un peu à tout, voilà. Parlez-nous du Boule-Boule. Oui, c'est le chant, en quelque sorte, du rossignol, si l'on peut dire. C'est ce qui s'approche du terme boule-boule en arabe. C'est une histoire vraie. C'est quelqu'un qui m'a raconté son histoire et qui m'a beaucoup émue parce qu'elle est justement à la croisée des chemins entre la poésie et la politique. Et c'est un immigré qui est venu d'Irak parce qu'il était poursuivi là-bas pour ses opinions politiques. Alors, quelles que soient les opinions politiques, étant passionnée, moi, par le droit et reconnaissante à la France de cette liberté d'expression qu'on y exerce, j'étais bouleversée par son récit. Et c'était sous le régime de Saddam Hussein. Il faisait partie des gens qui avaient émigré en France. C'est un artiste peintre et qui a adopté un jour un boule-boule parce que ce chant l'a frappé un jour où il était dans une sorte d'animalerie. Et il a reconnu entre tous ce chant si particulier du rossignol de son pays. C'est ça, et quand Madeleine. Il s'est approché, absolument, et ça lui a fait revenir beaucoup de souvenirs, et il s'est dit, il faut que, et en s'approchant, il voit étiquette boule-boule d'Irak. Il se dit, c'est pas vrai. Et il veut tout de suite le ramener chez lui, alors que sa compagne lui dit, mais là, on est invité chez des amis, on peut pas y aller comme ça. Il a dit, ça m'est égal, on annule tout. Celui, tu comprends pas, c'est un immigré comme moi. Il faut que je le ramène chez moi. Et il le ramène chez lui et il lui refait un bout de patrie. Et avec ce bout de patrie, il revit son enfance sous les palmeraies, quand il passait des soirées enchanteresses avec la musique, avec toutes les senteurs, les courses dans les champs, près de la rivière. Et en arrière-plan, on voit se profiler aussi tout le drame de cette guerre d'Irak, notamment quand il y a eu des bombardements. Et il y a comme une coïncidence extraordinaire, c'est que le boule-boule meurt lors des bombardements américains de l'Irak. Et pour lui, c'est à l'intersection d'une tragédie personnelle et d'une tragédie nationale, d'une tragédie familiale, sociale, de sa patrie. Donc tout cela me touche infiniment. Et à chaque fois que je vois qu'il y a une sorte de condensé de poésie et de politique, ça me parle beaucoup. Bayafi, comment travaillez-vous ? Alors, je travaille à l'émotion. D'abord, j'ai envie d'écrire quelque chose. Vous voulez dire dans le domaine de l'écriture ou... Interprétez-moi comme vous voulez. J'ai toujours travaillé à la passion. Donc, quand j'étais interprète, c'était avec passion. Quand j'ai fait mes études, c'était avec passion. Quand j'étais diplomate, c'était avec passion. Et quand j'écris, c'est avec passion. Quand je rencontre les gens, c'est vous toujours... Vous n'êtes pas raisonnable, non ? Voilà, je ne suis pas dans la raison pure. Et pourtant, vous voyez, c'est un des pôles de fascination que j'ai pour la France. Pour ce rationalisme critique... que je ne veux pas abandonner, parce que essayer d'aller le plus possible vers l'objectivité, personne n'est vraiment objectif, on a des choix dans la vie qui remontent très loin, qui sont presque liés à des émotions archaïques, on a des postures dans la vie qui sont parfois un peu mystérieuses, voilà. Et on les habille d'arguments, mais elles sont beaucoup plus antérieures. C'est dans ce sens-là que ça se passe, surtout. Voilà, exactement. Ouais. Mais ce travail de recherche, et j'en viens à l'histoire, dont le goût m'est venu un peu plus tard, je trouve qu'il y a une quête de la vérité derrière l'apparence qui est très digne de respect. Et en France, je trouve que cet esprit critique qui marque aussi notre revue et qui a marqué aussi mon adhésion à la diplomatie, l'esprit critique, la distance, c'est une obligation, c'est une ardente obligation. Alors du coup, dans Orient 21, vous avez tendance à essayer d'amener sur la table de négociation le maximum des choses que vous aimez ouvrir, aussi bien des textes diplomatiques, des rencontres, disons, comme les entretiens auprès d'un Jean-Pierre Chevènement ou autre, que des objets plus inattendus. Oui, c'est-à-dire que, fort heureusement, l'ADN de cette revue s'y prête. C'est qu'elle a à la fois un intérêt pour la politique, très certainement, et aussi pour la culture. Donc il y a ce qui ressort de l'information, de l'analyse, de la recherche. Il y a aussi ce lu, vu, entendu, ce qui est un coup de cœur des uns et des autres, et qu'ils peuvent proposer, si c'est un film ou un artiste, un musicien, etc. Alors justement, un musicien, difficile d'ailleurs de dire seulement musicien ou musicienne, en l'occurrence, puisque vous nous avez envoyé un lien avec un article intitulé « Chanter l'espérance envers et contre tout ». C'est un album intersection de Tania Salé dont vous rédigez un article et ça semble assez représentatif à la fois de ce qui se passe culturellement sur place, qui est à l'évidence radicalement nouveau. On a affaire à une nouvelle génération qui emprunte les objets communs qu'on a tous autour de nous aujourd'hui et qui raconte des réalités locales avec les outils que tout le monde comprend. Vous pourriez un peu nous en parler? Oui, alors ce qui m'a séduit beaucoup chez cette artiste, c'est qu'elle est elle-même à l'intersection de plusieurs intérêts, comme on le disait tout à l'heure, la poésie, la politique. Elle est graphiste, elle peint, elle dessine, elle est chanteuse et compositrice. Et elle est aussi passionnée par la langue arabe, dont elle a fait une mise en relief magnifique dans ses chansons. Et cette intersection, c'est le titre de l'album, est très heureuse en fait. Et comme je le disais, moi je ne suis pas à l'aise dans les milieux monolithiques, monochromes. J'aime les rencontres et les échanges. Et elle réussit. Et ça, c'est un peu peut-être libanais, je dois le reconnaître. C'est le mezzé. Oui, c'est le mezzé. Et c'est des mariages très heureux, souvent. Il y a des rencontres Occident-Orient dans la musique, comme dans le Férouz en est un exemple vivant. Et dans le cinéma, dans beaucoup de médias, intermédiaire artistique. Donc cette chanteuse, elle me touche beaucoup. Mais comment arriver à expliquer le fait que les conditions matérielles soient ce qu'elles sont, tout au moins telles qu'on peut se les représenter comme ça, à distance, où le quotidien ne doit pas forcément être facile tous les jours, et en même temps ce degré de créativité et cette capacité à pouvoir justement le présenter, pas seulement rêver de faire des albums, mais les produire. Absolument. Et là, c'est le mystère libanais, parce où oui, c'est un pays. Je me disais aussi. C'est un pays où la société civile est très vivante, très riche de possibilités, de ressources, mais où l'État est absent, malheureusement. C'est pour ça que j'ai eu une vraie passion, je n'hésite pas à le dire, pour ce pays, la France, où il y a une force de la République, enfin c'est de cette idée de l'intérêt général, de la citoyenneté, où on vaut ce qu'on fait. On ne vaut pas par son nom de famille, ni par sa religion, ni par sa communauté. Et j'espère que ça restera longtemps encore comme cela, et qu'on va pas être identifié ou assigné à identité selon sa communauté, sa religion, ou son nom de famille. Et ça, c'est la richesse de la France, c'est sa force. Et donc le Liban, c'est une conjonction de facteurs historiques qui a fait un pays d'une grande originalité, où j'aimerais voir plus d'États dans l'avenir et tout autant de sociétés civiles. Nada Yafi, avez-vous, vu que on ne l'a pas reçu, peut-être n'avez-vous rien écrit, mais avez-vous chroniqué ce film de fiction, L'Insulte, qui parle énormément de votre pays? Et si vous ne l'avez pas chroniqué, avez-vous au moins vu le film et pourriez-vous nous en parler? Oui, tout à fait. Et que dit-il de cette société-là? Absolument. Alors ça, c'est l'un des exemples de réalisateurs qui sont toujours à la recherche de l'autre et la rencontre de l'autre. Donc, le propos de ce film, c'est comment faire admettre que l'autre, mon ennemi par exemple, a également droit de reconnaissance de sa douleur. On est toujours débordé par sa propre douleur, sa propre souffrance, mais on nie à l'autre sa souffrance. Et donc là, c'est un peu l'histoire de deux protagonistes qui s'opposent sur le plan politique et sur le plan des sensibilités. Et finalement, il y a une réconciliation à la fin qui peut paraître un peu factice. Donc l'argument n'est pas le plus intéressant dans le film, mais ce qui est très intéressant, c'est le cheminement vers l'autre. Alors moi, j'ai été mitigée, j'ai failli chroniquer ce film, mais j'étais mitigée parce que c'était ça me semblait un peu artificiel. Le propos était très intéressant, mais la manière de le produire était un tout petit peu factice, j'ai eu l'impression. Le jeu était très très beau, très beau jeu. Il a eu le prix de Venise, le comédien qui joue le personnage palestinien. Et Je reconnais qu'il y a une tentative très méritoire de sortir des clichés que, par exemple, la droite chrétienne un peu fanatique avait tous les torts à un certain moment de l'histoire. C'est les forces libanaises, les phalangistes, etc. Donc il y a une sorte de tentative de les remettre un peu dans l'histoire et de leur redonner une légitimité à rejeter parfois certains débordements de la présence palestinienne au Liban. Il y a une netteté qui se fait jour dans ce film, mais je n'ai pas totalement adhéré. Alors est-ce que c'est pour des raisons artistiques, est-ce que c'est pour des raisons plus politiques, parce que le réalisateur a des positions un peu polémistes, tranchées sur Israël et sur le mouvement BDS. Voilà, très honnêtement, je ne saurais pas dire. C'est un film qui m'a beaucoup intéressé, qui vaut la peine d'être vu, qui est réussi techniquement parlant, artistiquement aussi, mais qui m'a laissé un peu mitigé. Voilà. Puisque vous parliez de l'absence de l'État au Liban, il faut reconnaître que là, il y a la présence d'un arbitre, la justice, oui. Puisque c'est au fond, on suit quasiment en dehors d'une première scène d'exposition dans la rue, oui. L'essentiel des débats et des tensions à l'intérieur même du tribunal. Oui. Donc on envoie ceux qui nous écoutent vers cette fiction dont je rappelle le titre, L'insulte. Pour ma part, j'avais trouvé le film absolument passionnant. Nada Yaffi, si on veut vous lire, on vous lit toujours dans Orient 21. Non, Orient 21. Vous nous avez dit que vous aviez déjà d'autres projets, donc dès que vous sortez de ce studio, voilà. Vous allez quand même bricoler des nouvelles choses. Non, c'est quoi, cuisine, vous ne dites rien. La prochaine vie, alors je sais pas, je vais peut-être continuer sur le chemin de l'écriture. Je voudrais signaler un autre film qui vient d'avoir un prix à Cannes, au Festival de Cannes, qui est un peu sur le même plan métaphorique avec la justice, un procès en justice, c'est Capharnaüm de Nadine Labaki, qui est un peu sur le même mode, si l'on peut dire, du film de Ziad Doueri, qui voilà, c'est intéressant. Et moi, je salue les deux réalisateurs, et ça, c'était typiquement le génie libanais, en fait. Voilà, je suis un peu cocorico pour le Liban et pour la. Mais je salue aussi la Suisse. J'ai une partie de ma famille en Suisse, et j'ai beaucoup beaucoup de respect pour les Suisses, notamment pour leur sens civique. Bon, écoutez, il ne faut rien rajouter. Hein, le silence est de Mozart également qui suit. Merci à vous d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Demain, nous recevrons au micro d'Histoire Vivante Caroline Cueno, réalisatrice du prochain documentaire d'Histoire Vivante, L'île sans rivage. Demain, vendredi, Histoire Vivante est à lire dans La Liberté. Répondant à l'appel de la mer, la Suisse s'est imaginée en port maritime au cœur de l'Europe. Dès le XVIIe siècle, elle a développé un gigantesque projet de canal transhelvétique reliant le Rhin au Rhône. Elle a même rêvé de rejoindre le Pô à travers les Alpes. Raser les Alpes, qu'on voit la mer. Un dossier à découvrir ce vendredi dans La Liberté. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Isabelle Barthes. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.